Les États-Unis et leurs contradictions. Nouvel épisode, l'avortement, la démocratie polarisée. Le reste de l'actualité ce matin, c'est d'abord cette mesure, l'avortement désormais légal aux États-Unis. Ainsi en a décidé la Cour suprême après 2 ans de délibération, Jean Pézieux. L'interruption de la grossesse sera pratiquée différemment selon les périodes. Pendant les 3 premiers mois, la femme et son médecin sont entièrement libres. Entre le 3e et le 6e mois, l'État pourra intervenir, mais seulement pour s'assurer que l'opération est pratiquée dans des conditions qui ne mettent pas en danger la vie de la femme. Enfin, si la grossesse ne met pas en danger la vie de la mère, l'État sera libre d'interdire l'avortement. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Référence à un arrêt de la Cour suprême en 1973 sur lequel nous reviendrons, qui représente un sommet pour les militants pro-avortement et qui devient un point de repère pour les adversaires. À un moment, on monte une pente. Après, on la descend. Anne Desine connaît bien ces moments de bascule aux États-Unis. Bonjour. Bonjour Jean. Alors vous avez tout récemment publié chez L'Harmattan « Les États-Unis et la démocratie ». Petit clin d'œil à Tocqueville, j'imagine. Et puis, il y a peu, chez Dalloz, un livre sur la Cour suprême. On va, dans cette affaire de l'avortement, mais on pourrait parler d'autres dossiers que vous évoquez dans les États-Unis et la démocratie, parler de constitutionnalité, parce que c'est quand même très important le rapport à la Constitution. Évidemment, dans la Constitution des États-Unis, il n'y a rien sur l'avortement. Oui, alors c'est un des paradoxes. Et les juges conservateurs aiment bien interpréter la Constitution selon une méthode qu'on appelle originaliste. Et ils prennent le texte de la Constitution en 1787, ils ouvrent les bras et disent, vous voyez bien, on ne parle pas de l'avortement. Mais dans les années 60, il y a eu un mouvement, c'est normal, il y avait le même en Europe, un petit peu partout, pour considérer que l'avortement, c'était pas une faveur, mais c'était une question de santé publique. Il valait mieux s'occuper des femmes et le faire proprement dans une clinique, plutôt que les avortements clandestins avec les décès, ou pire encore, les infanticides. Donc avec ce mouvement social, il y avait un mouvement vers la reconnaissance d'un droit à l'avortement. Et dès l'année 70, l'État de Washington, donc à l'ouest des États-Unis, avait voté une loi autorisant l'avortement au tout début, avant, et là il reprenait un contexte et un concept du common law, avant que l'enfant ne fasse des mouvements dans le sein de sa mère. Vous pouvez le dire en américain. Ou dans les entrailles de sa mère. Ça se dit comment ? Quickening. Voilà. The quickening of the fetus. Et donc, et des États, à Washington, à la capitale fédérale, cette fois-ci, d'autres États. Et immédiatement, ça a été contesté par les opposants, et c'est devenu une affaire juridictionnelle qui a fini devant la Cour suprême en 1973. Mais Cour suprême avait préparé le terrain quelques années avant en découvrant dans la Constitution un droit à la vie privée. Et c'est en s'appuyant sur ce droit à la vie privée qu'elle va pouvoir légaliser l'avortement en 1973. C'est dans un amendement à la Constitution ? Non, pas du tout. C'est dans le 14e amendement. Ah, oui. Oui. J'essaye d'être savant, ah, oui. J'aurai du mal avec vous. Mais dans l'interprétation, c'est pas écrit noir sur blanc dans le 14e amendement, mais et dans le 9e. En fait, les juges ont essayé de trouver, c'est pour ça qu'ils sont critiqués par les juges de droite, comme inventant des droits qui ne sont pas dans la Constitution. Alors, je vais reprendre le chemin que vous venez de dessiner, celui qui mène à 1973. Quand même, je veux pas être originaliste, mais longtemps, on n'a pas parlé de la question de l'avortement parce que ça se pratiquait clandestinement ou bien dans le secret des cabinets médicaux. C'est d'ailleurs les médecins qui ont cherché des sécurités pendant un moment. Et au début du XXe siècle, les clergés des églises chrétiennes américaines, ils ne parlent pas ouvertement du sujet. Non, les baptistes, en 1976, acceptaient encore l'avortement. 1976, donc 3 ans après l'arrêt qui a mobilisé les forces de droite, les conservateurs et la droite religieuse. Mais vous pointiez le rôle des années 1960. On va s'arrêter à une affaire en Arizona, en 1962. On se souvient peut-être qu'un certain nombre de mères, ou de futures mères plutôt, utilisaient des médicaments contenant de la thalidomide. En France et en Belgique ont été produites beaucoup d'images qui montraient les effets de la thalidomide sur les bébés. Et une dame, en Arizona, demande en conséquence à pouvoir avorter. L'autorisation lui est donnée d'ailleurs par une clinique à condition que ça se fasse discrètement. Oui, c'est ça. Elle s'aperçoit que les médicaments qu'elle prenait contenaient de la thalidomide. Donc, effectivement, elle cherche à se faire avorter. Et c'est parce que son affaire a été rendue publique, ce qu'elle ne souhaitait pas, que la clinique qui avait d'abord donné son feu vert a dit « Ah non, c'est trop dangereux ». La clinique a eu peur du backlash, c'est-à-dire d'être traînée dans la boue, parce que c'était quand même un sujet extrêmement sensible à l'époque. Et cette pauvre dame a dû aller en Suède. Après cette vue refusée, le visa par le Japon. Elle s'appelait Sherry Fingbin, la voici. D'abord, je me suis décidée rationnellement. Le médecin m'avait indiqué la meilleure chose à faire. Mais bien sûr, c'est mon cœur qui devait prendre la décision. En tant que mère, j'avais cette chose à l'intérieur de moi, et personne d'autre que moi ne pouvait faire ce choix. Et je sentais qu'en donnant naissance à cet enfant, je n'aurais pas donné la vie, mais la mort. Donc je l'aurais condamné au lieu de lui donner la vie. Je lis dans votre démocratie aux États-Unis, enfin, les États-Unis et la démocratie, c'est pas Tocqueville, je lis que beaucoup de débats politiques sont la conséquence de la médiatisation organisée. Il se trouve que Mme Fingbin, elle s'est souvenue qu'elle était animatrice de télévision, qu'elle était assez connue, et elle a beaucoup bataillé pendant plusieurs années autour du sujet qu'elle avait expérimenté. Oui, après coup, parce que d'abord, elle s'était confiée à une journaliste de presse écrite, elle pensait que c'était confidentiel, puis l'affaire a explosé. Donc une fois qu'elle avait réglé son problème à elle, elle a décidé de prendre fait et cause pour les choses. Mais à l'époque, c'était plutôt un sujet qu'il fallait acclimater dans l'opinion. Vous avez raison, avant c'était secret, et personne ne voulait vraiment s'en mêler. La différence que je vois avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, depuis les années 75-80, il y a vraiment deux camps. Les pro-life, qui interdisent l'avortement, le terme est un peu difficile à interpréter, et les pro-choice, qui eux, veulent le choix, donc le choix de procéder à un avortement si nécessaire. Et comme les médias sont polarisés aujourd'hui, chacun véhicule son son de cloche. Donc si on prend les électeurs de Trump, d'ailleurs il a eu un petit message pour eux dans son discours sur l'état de l'Union, les électeurs de Trump, ils regardent Fox News, et dans Fox News, on n'entend parler que de ce qui est contre l'avortement. Alors dans son message sur l'état de l'Union, il avait invité, chaque président, vous savez, invite des invités symboliques qui représentent quelque chose. Et il y avait une dame avec une petite fille, un peu calme d'ailleurs, dans les bras, d'environ 2 ans, dont le président, avec délectation, nous a appris qu'elle était née à 21 mois. C'est pas très... 21 semaines, pardon. Donc, et que le fœtus, finalement, était viable. Et dans la foulée, Royal, il a annoncé, et c'est tellement important, la vie, le côté magique de la vie, que je vais affecter 50 millions de dollars à la recherche néonatale. Donc ça, c'est un message pour sa base, pour se faire réélire. J'ai bien fait donc de prendre comme titre la démocratie polarisée, parce que je reviens à mes années 1970. Maintenant, cette polarisation n'existe pas, et le mouvement qui est peut-être dominant dans l'opinion, c'est le mouvement pro-avortement. Ainsi, New York... État de New York, 1970. Anselma, vous êtes très typique de la nouvelle génération américaine. Vous faites partie d'une organisation qui s'appelle The New York Radical Feminist. Oui. Et vous luttez pour les droits de la femme. Vous venez d'obtenir un certain nombre de succès. Par exemple, l'avortement est devenu légal dans l'État de New York. Oui, ça commence depuis le 1er juillet. C'est du progrès. C'est pas la chose finale qu'on voulait. Parce qu'on retient que l'avortement, c'est un droit civil de la femme et que l'État n'a pas le droit de réguler cette chose. C'est-à-dire, on veut que l'avortement soit à demande. Il faut. C'est-à-dire qu'une femme qui se présente pour se faire avorter, on ne doit lui poser aucune question. Ce soit un droit. Oui, et la loi actuelle, c'est une réforme seulement. Alors attendez, une réforme dans l'État de New York. Expliquez-nous la progression par la voie législative. Comment les choses se font-elles ? Alors, première idée, les États-Unis sont un État fédéral. Donc, chaque État a sa constitution, son corps législatif, son gouverneur, etc. Et l'État fédéral, en matière d'avortement, n'a rien à voir. Ça ne fait pas partie des compétences limitées qui sont énumérées dans la Constitution. Sauf cas de santé publique, mais c'est un peu compliqué. Donc, chacun des États peut légiférer. Et d'ailleurs, en termes de législation, aujourd'hui, on voit bien que le Sud-Est, la ceinture de la Bible, il y a beaucoup de restrictions dans les législations. adoptée par les législatures des États. En revanche, quand on prend la côte ouest, la Californie, l'État de Washington, au contraire, là, il n'y a pas de problème. La législation est extrêmement assouplie de façon à permettre un avortement, parce qu'on considère que c'est un droit pour la femme et c'est bon pour la santé qu'il n'y ait pas trop de restrictions, que la femme n'ait pas besoin de parcourir 100 km pour aller dans une clinique. Donc, les législateurs votent les textes en conséquence. Et on voit bien leur rôle puissant parce que depuis 2010, les Républicains ont repris le pouvoir dans les législatures des États et il y a 479 restrictions, des lois contenant 479 restrictions qui ont été adoptées. Oui, mais souvenez-vous de notre vœu, on remonte la pente, on la redescendra peut-être après, entre 70 et 73, l'arrêt de la Cour suprême. D'ailleurs, comment en arrive-t-on à un arrêt de la Cour suprême? Combien d'États avaient-ils songé à changer dans le sens de l'assouplissement leur législation? Ils étaient majoritaires, ces États? Ils étaient localisés? Ils n'étaient pas encore majoritaires et ils étaient localisés sur les côtes. Voilà, ce que et donc le reste des États-Unis considérait que ces horribles gauchistes progressistes étaient en train de faire un coup de force en voulant changer la loi. Sauf que, en portant l'affaire devant les juridictions, ils l'ont nationalisée, dans le sens fédéralisée. Parce que elle, la Cour suprême, lorsqu'elle prend une décision, la décision s'applique dans tout le pays. C'est-à-dire que c'est une erreur d'un petit peu tout le monde, de ceux anti-avortement qui ont cherché à juridictionnaliser l'affaire, au lieu de laisser les affaires percoler au niveau des États, voir ce qui allait se passer dans le centre des États-Unis, etc. Et puis, c'est la faute des juges qui auraient pu, les juges de la Cour suprême, ils ont une latitude considérable pour choisir leurs affaires et pour éviter d'accepter des affaires. Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre sur la Cour suprême, donc ils auraient très bien pu se défausser en disant, ce qu'ils disent parfois encore aujourd'hui, laissons percoler l'affaire. C'est ce qu'ils ont fait pour le mariage homosexuel. Ils se sont d'abord défaussés, et puis quand ils ont vu que l'opinion publique évoluait, là, ils ont accepté l'affaire. Mais en 73, donc, ils acceptent l'affaire, la plainte posée par une jeune femme célibataire, enceinte, de Dallas, qui avait formé un recours contre les lois de son État, le Texas, et c'est l'arrêt Roe, c'est le surnom de la jeune femme, contre Wade, qui représente la justice au Texas. Et les juges, ils sont quand même majoritairement pour l'élargissement du droit à l'avortement, 7 contre 2. Ah oui, mais ça n'a pas commencé à la Cour suprême. Donc il faudrait, généralement, ça va dans une cour de district, donc comme c'est le Texas, ça devait être la cinquième. Enfin, à l'intérieur du circuit du cinquième, ensuite cour d'appel. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il n'y avait pas... Généralement, la Cour suprême n'accepte des affaires que quand il y a, encore un mot anglais, « circuit split », c'est-à-dire qu'on a une cour d'appel qui dit blanc, une cour d'appel qui dit noir. Et là, ce n'était pas vraiment le cas. Il y avait une sorte de mouvement lent, progressif, vers accepter l'avortement en début de grossesse. Et tout d'un coup, je répète, les pro-life, en voulant porter l'affaire devant les juridictions, se sont tirés une balle dans le pied, parce que c'est monté au niveau national. La Cour suprême, elle, était encore progressiste, parce qu'on voit bien le décalage. Les présidents nomment des juges, mais les juges, ils sont là pour 40 ans. Mmh. Donc le pays était en train de devenir très conservateur. Mais la Cour suprême, c'était encore le produit de la période d'avant et des nominations. Et puis certains des juges qui étaient plutôt centristes étaient devenus très, très progressistes. Donc on a ces sept juges... 7 contre 2. Voilà. On arrive à 7 contre 2. Mais il y en a deux qui sont dissidents. Et l'un d'entre eux, dans son avis, parce que les avis des dissidents sont publiés, dit c'est pas une affaire de juge tout ça. C'est à la législation d'être clair. Oui, oui, tout à fait. C'est un débat permanent. Ce n'est pas une affaire fédérale, c'est une affaire des États et c'est pas une affaire de juge. Ce sont les législatifs qui devraient légiférer chacun dans leur État. Tenez, un morceau de 1973, date repère, Temptations. What they say, that Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, Papa, go on. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. L'avortement aux États-Unis, la polarisation de la démocratie. Nous sommes avec Anne Desine qui vient de publier Les États-Unis et la démocratie. C'est aux éditions de l'Harmattan. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un mouvement général depuis quelques décennies. Vous disiez à l'instant, le pays devient de plus en plus conservateur, qui tend à limiter dans tous les domaines les droits, et pas seulement dans celui de l'avortement. Oui, en fait, dans les années 75-80, la droite, qui était tranquille, si j'ose dire, s'est vraiment inquiétée. Et elle s'est inquiétée de deux choses. La montée de l'État-providence, et ça, c'était pas bon pour le business, et la montée des droits accordés aux individus, et en particulier, ce droit à l'avortement. Et il y a un avocat, qui ensuite est devenu juge à la Cour suprême, qui a joué un rôle majeur, c'est Lewis Powell, qui a dit, attendez les petits gars, c'est plus le moment de jouer, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on mette de l'argent, il faut qu'on crée des groupes de pression, qu'on crée des fondations, qu'on crée des cercles de réflexion, des think tanks, qu'on produise une pensée de façon à détruire cette pensée dominante, gauchiste, dangereuse. Et ça, ça a été le début d'une mobilisation à droite, incluant les conservateurs et les conservateurs économiques, les conservateurs sociaux et la droite religieuse. Et depuis, ils sont extrêmement efficaces, ils ont des fondations très riches, des think tanks qui produisent des papers et qui alimentent l'opinion publique, les dirigeants au niveau de l'État, au niveau fédéral. Et actuellement, ce sont les progressistes qui n'ont pas cette machine de guerre. Les démocrates actuellement sont démunis en face de cette espèce de rouleau compresseur conservateur. Les démocrates d'ailleurs, dont certains disent, on a abandonné les églises, les forces vives religieuses à la droite républicaine. Il y a des démocrates qui disent ça maintenant. Madame Pelosi, la leader démocrate chez les représentants, dit « Moi, je ne déteste pas Trump, je suis catholique, je l'aime. » Non, elle prie pour lui. Elle prie pour lui, voilà. Et elle ne le haït pas, contrairement à ce que dit Trump. Mais l'avortement est un problème chez les démocrates. Ce clivage ne rend pas service aux démocrates qui sont élus dans des États violés, c'est-à-dire mi-républicains, mi-démocrates, qui ne sont pas monocolores, et dans des États un petit peu modérés. Parce que, à partir du moment où le droit à l'avortement est attaqué par la droite, la gauche prend des positions de plus en plus extrémistes. Et ça devient, et l'un des sons qu'on a entendu, c'est presque un avortement à la demande. Et il y a beaucoup d'Américains. Les sondages montrent qu'il y a une majorité d'Américains qui pensent qu'il faut reconnaître aux femmes le droit à l'avortement, mais pas un droit illimité. À partir d'un certain temps, dans certaines circonstances, l'avortement ne doit pas être possible. Mais dans les sondages, on ne voit pas du tout les mêmes proportions qu'en France. Il y a près de 40% de la population américaine qui serait hostile à l'avortement. Ça ne veut pas dire que les 60% autres soient partisans de toutes les formes d'avortement. Non, mais les 60-40, ce n'est pas une proportion qu'on connaît ici. Non, mais j'aimerais être sûr que nous n'allons pas la connaître d'ici quelques temps, parce qu'on voit une évolution de l'opinion publique en Europe aussi. Alors, le rôle du président, le rôle des législateurs, vous nous disiez que le fédéral n'avait pas cette question dans ses compétences. Ça n'empêchait pas, 1985, on est bien avant Trump, le président des États-Unis de l'époque, d'intervenir. Dernier épisode en date de la bataille acharnée. Ce film a été copié à quelques milliers d'exemplaires, traduit dans une dizaine de langues, et distribué notamment aux 539 membres du Congrès. L'objectif, bien entendu, est de pousser les parlementaires à revenir sur la décision prise il y a une dizaine d'années de rendre libre l'avortement aux États-Unis. Et il se trouve que dans cette bataille, les adversaires de l'avortement disposent d'un sérieux atout avec les convictions personnelles de Ronald Reagan. Le problème de l'avortement nous prend à la gorge. Est-ce que l'avortement tue une vie humaine ou non? Si ça tue, et la médecine le montre de plus en plus, il faut l'arrêter. It must be stopped. Pas besoin de préciser ce qu'est ce film. On a connu des versions en France aussi. L'image des fœtus, c'est très important dans la publicité que font à leur mouvement les adversaires de l'avortement. Alors, qu'est-ce que peut le président, qu'est-ce que peuvent les membres du Congrès dont on a dit qu'ils recevaient, donc en 1985, des copies de ce film ? le président, il a un rôle incitatif, un rôle de bully pulpit. Il a la chance, c'est le seul élu au plan national. Il peut s'adresser à tout le monde, ça c'est petit 1. Et petit 2, s'il dispose d'une majorité dans les deux chambres, il peut faire pression sur les membres de sa majorité pour qu'ils adoptent un texte. Sauf que théoriquement, on ne légifère pas sur l'avortement au niveau fédéral, puisque c'est une compétence des États. Donc c'est plus de la gesticulation médiatique avant l'heure pour donner une sorte de visibilité au thème et sans doute à des fins électorales pour lui-même. Donc vous disiez que dans les différents États concernés, il y a maintenant peut-être 1000 textes qui limitent l'accès à l'avortement, et qu'il y a une accélération d'ailleurs depuis quelques années de la production de ces textes. Alors selon le même mécanisme qui en 73 avait abouti à la reconnaissance du droit à l'avortement à la Cour suprême, eh bien il peut y avoir des plaignants qui se manifestent, des recours qui sont posés. Voici, nous sommes dans le Missouri en 1989, la position des uns et des autres. Hollywood se mobilise. Dans les résidences de Beverly Hills, les stars collectent des fonds, distribuent des badges. L'enjeu, c'est le droit des femmes américaines à pouvoir avorter légalement, un droit que le gouvernement de George Bush menace. Un demi-million d'Américains ont défilé à Washington en avril. Et bien sûr, Jane Fonda était là. Il y a bien longtemps que je n'avais eu d'aussi bonnes raisons de descendre dans la rue. Whoopi Goldberg. Je suis venue dire que jamais plus une femme n'ait à subir cette boucherie, que jamais plus elle n'ait à utiliser une aiguille à tricoter dans des toilettes et à mettre sa vie en jeu. Des actrices de télévision, Leonard Nimoy, acteur et réalisateur de Star Trek, Glenn Close, qu'on a vu dans Les Liaisons dangereuses, bien d'autres, tous choqués que la justice américaine remette en question ce qu'ils croyaient acquis depuis 16 ans. La Cour suprême était saisie d'une plainte contre l'État du Missouri qui, en 1986, avait décidé d'interdire l'utilisation de tout fonds public pour pratiquer des avortements. Avait interdit aussi que soit conseillé, décidé ou pratiqué un avortement dans un bâtiment public, comme par exemple un hôpital public. Dans le préambule de la même loi, l'État du Missouri estimait que la vie commence au moment de la conception, ce qui vise à assimiler tout avortement à un assassinat. Dans un document de 26 pages, adopté par 5 voix contre 4, la Cour suprême donne largement raison à l'État du Missouri sur les 3 principaux points, même si, en écrivant que le point de la loi de cet État qui déclare que la vie d'un être humain commence à la conception n'est pas inconstitutionnel, la Cour suprême ne confirme pas pour autant que cette affirmation fait loi aux États-Unis. Elle décide seulement que ce n'est pas son rôle de statuer sur les théories scientifiques. Alors l'arrêt Roe, c'était 7 contre 2 en 1973, les partisans de l'élargissement du droit à l'avortement étaient contents. Là, je ne sais pas si la décision est claire, mais c'est 5 contre 4, l'arrêt Webster en 1989. La majorité se réduit, la Cour suprême. D'ailleurs, ces recours ont valeur de test. Ce n'est même pas une majorité, parce que pour qu'il y ait une majorité, il faut que les 5 juges disent la même chose. Or là, ils ont simplement été d'accord pour dire que la loi du Missouri n'était pas inconstitutionnelle, mais sur 5 raisonnements différents. Ah. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règles de droit applicables, pas de précédent. On se rend compte que c'est le chaos, les juges ne savent plus quoi faire, et en fait on est en train de préparer ce qui va se passer 3 ans après, en 92, dans l'arrêt Planned Parenthood, où là la Cour suprême va changer les règles du jeu complètement. Elle va retourner la charge de la preuve. Les femmes, Roe versus Wade, ont un droit à l'avortement. La décision de 1992. Les législations peuvent adopter des restrictions si elles le souhaitent, sauf si ces restrictions constituent un fardeau insupportable pour la femme. Undue burden. Et c'est la raison pour laquelle on a cette montée en puissance et cette multiplication des lois restrictives dans les États. C'est que, dorénavant, les législations ne sont plus en violation d'un droit à l'avortement, puisque ipso facto, il a disparu en tant que tel. Donc elles essaient, elles tentent le coup, en se disant, il y a des femmes qui vont porter l'affaire en justice, il y a des groupes de défense des libertés publiques, ACLU et les autres, qui vont porter l'affaire en justice, et puis on va bien voir ce qui se passe en première instance, en appel, et peut-être à la Cour suprême. Donc l'opération de démantèlement du droit, de grignotage d'un droit qui était large, a commencé. Louisiane. Alors la Louisiane, là, c'est cette année, c'est la décision, on aura les auditions au mois de mars, et la décision au mois de juin, juste avant l'élection. Je n'ose même pas penser ce qui peut se passer. Là, ce qui est intéressant dans l'affaire du Missouri et dans toutes les restrictions dont je parlais, c'est que les États n'osent quand même pas attaquer frontalement le droit à l'avortement. Donc, ils rajoutent des restrictions. Il faut subir une séance d'information. Et pendant l'information, on vous dit, vous savez, avec un avortement, vous pouvez avoir des risques de cancer. Ou bien, vous devez attendre 72 heures. Ou bien, il faut qu'il y ait deux docteurs. Ou bien, il faut que le docteur qui va procéder à l'avortement puisse être admis dans un hôpital à côté, au cas où il y aurait un problème. On peut encore donner d'autres possibilités. Ou bien, il faut qu'il y ait, quand c'est une jeune fille mineure qui demande l'avortement, l'autorisation des parents et parfois un avocat commis d'office pour défendre le fœtus. Et dans l'État dont le vice-président actuel était le gouverneur, l'Indiana, l'exigence que la mère organise des funérailles en bonne et due forme pour les fœtus avortés. Non, c'est oui. Bon, donc l'affaire de Louisiane, c'est simplement les admitting privileges, le fait que le docteur puisse emmener la jeune femme en urgence dans un hôpital. Et donc, les études médicales montrent que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, les hôpitaux sont obligés de prendre les urgences. C'est simplement une sorte d'habillage pour dire, voilà, on s'occupe de la santé des femmes, c'est pas du tout, mesdames, pour restreindre votre droit à l'avortement. Et est-ce que vous pourriez mettre ce dossier qu'on a dépouillé avec vous dans la perspective générale de votre essai, les États-Unis et la démocratie ? Oui, en deux mots. Je pense Vous arrivez à rendre claires les choses les plus compliquées, m'avez-vous expliqué, avant d'intervenir à cette antenne. Non, vous êtes d'une mauvaise foi. Bref, je dis dans le livre deux choses, qu'il se livre à un assaut en règle contre les institutions, les règles constitutionnelles, les règles infraconstitutionnelles, ça c'est une chose, et on vient de voir ce qui s'est passé au Sénat, l'impeachment, etc. Mais en un deuxième temps, toutes ces politiques qui peuvent se faire au sein des agences, mais sous la direction du ministère de la Justice, qui envoie des incitations, vise à réduire à néant non seulement tout ce qui a été fait sous Obama, mais tout ce qui a été fait depuis Roosevelt, tout ce qui est État-providence, durant les années 60, etc. Et ça s'applique aussi bien au droit de vote. Le droit de vote, même chose, on a eu une montée en puissance du droit de vote, et là on a des restrictions de plus en plus nombreuses, mais aussi les droits, par exemple les relations entre les minorités et la police. Obama avait essayé de mettre en place des règles pour faciliter ce dossier compliqué. Monsieur Trump, dans sa grande sagesse, a dit au ministère de la Justice, on arrête tout ça, ce qui envoie un signal aux États et aux polices des États et des villes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Demain, notre dernier épisode, ce sera la politique pénitentiaire. Je ne sais pas s'il y a des progrès dans ce domaine. Il s'en est beaucoup vanté dans le discours sur l'état de l'Union. Ça veut dire Monsieur le Trump. Président Trump, comme grand, dit Bertrand. Oui, il est incroyable. Mon grand ami, Monsieur Trump, il a dit « j'ai réussi à faire adopter la réforme pédale ». Ce qu'il ne dit pas, c'est que ce n'est pas lui. Ce sont les membres du Congrès qui ont réussi à se mettre d'accord, mais sur une toute petite réforme, puisque c'est uniquement la réforme pénale fédérale, donc quelques milliers de prisonniers. Les États-Unis et la démocratie, chez l'Harmattan, la Cour suprême, aux éditions Dalloz, Rémi Sistiaga à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation, et l'équipe de la Marche de l'Histoire, Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco. Merci. Merci à vous.